Première saison de l'orgue de Radio France. Au cœur de l'auditorium de la Maison de la Radio, découvrez le fabuleux instrument aux 5000 tuyaux. Le 26 septembre à 20h, premier grand récital. Bach et les maîtres français. Réservation sur maisondelaradio.fr. Bonjour Nagui, ça déborde, je mérite d'être puni. Ça déborde, je rêve. Hein. Elle s'appelle Leïla Kadrouboudadi. Nous avons je Barbara. Suis là, merci Laetitia. Moi aussi je suis là. J'aime bien quand on parle de nous à la troisième personne. Excusez-moi les filles, il faut qu'on fasse vite. Oui, alors Laetitia justement, on va Barbara, faire rapidement. Barbara Schulz et Pascal Adibé sont nos invités. Et Ali, passez une très bonne journée. À demain. Merci, belle émission Nagui. Ciao. Il est 11h sur France Inter. Le flash, Laetitia Gaillet. 15 ans après le souvenir du 21 septembre 2001 est intact à Toulouse, l'explosion de l'usine AZF a marqué à tout jamais les esprits. Plus de 200 personnes ont assisté ce matin aux commémorations. Une minute de silence a été observée en hommage aux 31 victimes et aux 2500 blessés. Les deux hommes interpellés vendredi dernier, soupçonnés d'être liés au djihadiste français Rachid Kassim, ont été écroués aujourd'hui. Ils sont désormais poursuivis pour association de malfaiteurs avec une entreprise terroriste. En fait, ces deux hommes âgés d'une trentaine d'années fréquentait Rachid Kassim avant son départ pour la zone irako-syrienne en mai 2015. Les enquêteurs pensent même que le plus jeune a été récemment en contact avec Kassim via la messagerie cryptée Telegram. Dans l'enquête sur l'attentat de Nice, cette fois, la garde à vue des 8 hommes interpellés hier a été prolongée. Des perquisitions ont été menées chez eux à Nice, Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer. Tous faisaient partie des relations de l'auteur des faits qui lui a été abattu durant l'attentat, de lui et des 6 autres personnes déjà mise en examen dans ce dossier et écrouée. 12 personnes ont été blessées hier soir à Charlotte en Caroline du Nord, c'est dans l'est des États-Unis. Ils ont été blessés lors d'affrontements survenus après la mort d'un homme noir de 43 ans, abattu par un policier, lui aussi noir. Il n'empêche, les manifestants ont brandi des pancartes hier soir en affirmant que les vies des Noirs comptent, pas de justice, pas de paix. On ne change pas un homme qui insulte au Parlement européen, qui dit s'inquiéter du nombre élevé de personnes tuées lors des opérations de police aux Philippines. Voici ce qu'a répondu Rodrigo Duterte, son président, qui souhaite prolonger sa campagne lui contre le trafic de drogue, quitte à faire tuer des criminels. Eh bien, Rodrigo Duterte a insulté l'Union européenne et il a ponctué sa tirade d'un doigt d'honneur. 5 jours après sa livraison officielle, le second Mistral livré à l'Égypte a quitté ce matin le port de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Il est attendu désormais le 1er octobre à Alexandrie, qui sera son nouveau port d'attache. Les déclarations d'embauche dans le secteur privé ont augmenté au mois d'août, plus 3,7% sur un an, plus 0,6% par rapport à juillet selon les chiffres de l'ACOSS ce matin. L'ACOSS, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Et en fait, c'est le secteur marchand qui bénéficie le plus des embauches, et ce, hors intérim. Enfin, plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce matin devant la centrale thermique EDF de Cordemais en Loire-Atlantique, près de Nantes. Elles sont venues défendre le site menacé de fermeture par la future taxe sur le charbon voulue par Ségolène Royal pour début 2017. Vous écoutez France Inter, il est 11h03. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Tous les jours, retour sur l'un des grands événements qui ont marqué ces 50 dernières années. Les malades qui étaient poussés sur des lits, ils suivaient, on leur dit de partir vers le nord, ils sont partis vers le nord, sur la route. Allez où ? Ah, vous partez sur la route, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, 17 avril 1975, la chute de Phnom Penh, l'arrivée des Khmers Rouges qui plonge le Cambodge dans un cauchemar qui durera 4 ans. Affaires Sensibles. Quand l'histoire éclaire l'actualité, c'est sur France Inter, tous les jours, du lundi au vendredi de 15h à 16h. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Eh ben, maman, ça pour le ça. La Fiesta des Suds vous embarque pour ses 25 ans, du 19 au 22 octobre, au Dock des Suds à Marseille. Un après-midi minot, 3 soirées, 40 concerts festifs pour une odyssée hors normes. Avec Louise Attaque, Hubert Félix Thiéphen, Deluxe, Dubbing, Cassius, Jeanne Aded, Skip and Die versus Lindigo, The Dizzy Brands, Naïve, New Beaters et bien d'autres. La Fiesta des Suds, un événement France Inter. Plus d'infos sur franceinter.fr. Leïla Kadour Boudadi pour la bande originale. Salut Laetitia Gallier, comment ça va? Et comment ça va, copine? Eh ben super, moi je crois qu'à un moment il faut qu'on instaure les choses comme j'adore, ça. J'adore, voilà, j'adore. On s'installe, et bien tout va très bien dans la bande originale aujourd'hui avec mes petits camarades. Alors je vous les présenterai dans un instant. On reçoit Pascal Elbé et Barbara Schulz. Et un voilà. Nouveau chroniqueur, Nagui. Il y a un petit jeune, je donne sa chance et je pense qu'il a, il a une carrière devant lui, il est prometteur. Ok, amusez-vous bien. Rapace, tu veux ma place? Bonjour, soyez les bienvenus, c'est la bande originale avec Leïla Kadour Boudadi, Monsieur Tom Villa, Daniel Morin, Pierre Emmanuel Barré, Richard Lornac, bonjour. Et nos invités Barbara Schulz et Pascal Elbé. Bonjour. Merci d'être là tous les deux parce que, à mon avis, vous avez beaucoup mieux à faire que de venir à la radio parler de la pièce, étant donné qu'il faut bosser, il faut la travailler, oui, cette et pièce. Et on est encore un peu en chantier. Ah ben oui, c'est un gros chantier, ça. Une pièce qui est intelligente, drôle, très, très actuelle. Normalement. Ça s'appelle il faut qu'on bosse, Les Veilles du Chameau. Mais non, mais elle n'est pas que drôle, en même temps, elle est prête à réfléchir. Est-ce que Tom Villa, vous avez bien compris pourquoi nous avons invité Barbara Schulz et Pascal Elbé? Évidemment, Nagui, parce qu'ils viennent présenter L'Éveil du Chameau et que vous vouliez rendre hommage à Daniel Morin. bonjour Barbara Schulz, bonjour Pascal Elbé. L'Éveil du Chameau, c'est nouvelle pièce que vous interprétez au théâtre de l'Atelier. C'est l'histoire de Maryse que vous jouez, Barbara, qui a une fille qui tombe enceinte d'un garçon, mais celui-ci se barre. Et ce garçon, c'est votre fils, Pascal. Sauf que vous, Pascal, vous n'y avez pas reconnu votre fils non plus. Bref, un beau bordel. En fait, c'est plus une pièce de théâtre, c'est une publicité géante pour Durex. Du coup, Pascal, vous apprenez que vous êtes père et grand-père en même temps. Dans la vraie vie, c'est pas une pièce qui aurait eu ça un enterrement. Moi, tu m'apprends ça, je sors le défibrillateur direct. Puis c'est facile d'aller voir quelqu'un et lui dire « tu es papa ». Mais qu'est-ce qui nous le prouve? C'est vrai? Tu veux savoir si tu vas être papa? Envoie Rachida au 8-22-22. Alors, bien entendu, un homme qui découvre qu'il est père et grand-père en même temps, pour nous tous, on appelle ça de la fiction. Pour Pierre-Emmanuel Barré, on appelle ça un lundi. Pascal Elbé, votre personnage, Mickaël, est présenté comme libre, passionné, immature et un peu égoïste. Un enfoiré, qu'on dirait la description du mec cauchemar de toutes les nanas. Ouais. Et lui, il voit débarquer Maryse, une femme rangée, carrée, droite, un peu psychorigide. Michel Alliomarie, quoi. Bref, la meuf cauchemar de tous les mecs. Et c'est surtout l'histoire de deux personnes... Plus sexy peut-être, non? Oui, c'est vrai. C'est, vrai. C'est surtout l'histoire de cette pièce de deux personnes très différentes que rien ne prédestinait à se rencontrer, un peu comme Zemmour et Nolo, et qui vont finir par se comprendre et s'aimer, un peu comme Zemmour et Nolo. Non, mais, moi, il y en a marre de ces pièces sexistes. Pourquoi c'est toujours le mec, le sale con immature? Moi, je rêve de voir une pièce où c'est la fille qui se comporte mal, super mal avec le mec, qui lui est hyper carré et droit. Il y a plein de femmes, par exemple, qui font des enfants dans le dos à des hommes. Moi, j'ai un pote à qui c'est arrivé. Il est sorti un temps avec une fille, puis ils se sont séparés. Quelques temps après, elle le rappelle pour lui annoncer qu'il est papa. Lui, affolé, il lui demande si elle peut avorter, mais comme la fille rentrait en CE2, c'était compliqué. Oh non! Mais c'est très actuel, et en plus, c'est une histoire vraie. On l'embrasse. Oh, non, et là, j'avoue, apprendre que t'es père et grand-père en même temps, ça fait quand même deux mauvaises nouvelles d'un coup. C'est plus un changement de bagnole qu'il faut faire, c'est un changement de permis. C'est pour ça, les garçons, toujours faire gaffe qu'on soit avec une femme, hein, toujours prendre une vieille. En tout cas, c'est votre grand retour au théâtre à tous les deux. Je sais pas si j'ai tout compris, mais si vous aimez les chameaux, les mauvaises nouvelles et les mecs qui passent pour des salauds, L'Éveil du Chameau est fait pour vous. Merci. La bande originale. Il y a une base dans ce que vous avez dit, mais il y a beaucoup plus que ça. En effet, Barbara, vous débarquez dans la vie, enfin votre personnage débarque dans la vie du personnage joué par Pascal Elbé pour lui annoncer qu'il va être grand-père. Mais il va se passer beaucoup plus de choses que ça. D'ailleurs, dans vos rapports, vous allez remettre en question sa vie, il va remettre en question la vôtre. C'est une pièce, ce qu'on se disait juste avant de démarrer cette émission, très féminine quand même. Même si c'est pas une pièce forcément féministe au sens... Alors elle est féminine déjà parce qu'elle est écrite par une femme, bah oui. Ça part bien. Mais oui, pardon, quelle était la question? Excusez-moi. Que c'était beaucoup plus complexe que simplement « Bonjour, vous, votre fils que vous n'avez pas reconnu a fait un enfant à ma fille. » Bien sûr, pas reconnaître, d'abord lui n'est pas du tout d'accord. Et il recrée un schéma en plus. Il n'est pas, exactement, sans s'en rendre compte, il s'en rend compte au bout d'un moment. Mais oui, il n'est pas du tout d'accord avec ça, il me rejette totalement. Et du coup, je vais employer la méthode forte, je vais le séquestrer. Voilà. C'est ça. Une nuit. C'est un kiff. Oui. C'est ça. C'est un kiff, c'est un surtout kiff. Que on peut dire où elle cache la clé ou pas. Parce que moi, j'ai halluciné quand j'ai lu la pièce. J'ai dit Pascal Elbé sait trouver les bons rôles. Là, c'est un peu pour ça que j'ai accepté cette partition-là. Bah, attends, on va dire parce qu'ils vont imaginer des trucs. Mais possibles. Non, laisse-les venir au théâtre. On peut voilà, juste la dire clé cachée, oui. Sur, la clé est cachée sur vous et donc il doit trouver la clé. C'est pas Fort Boyard. C'est tout ça. On a une minute trente aussi. On distribue des indices pendant la pièce. Et comment réussir à faire rire? Est-ce que c'est dans le rythme, dans les vannes qu'il y a au milieu d'une situation qui est plutôt triste finalement? Pascal. Ah oui, alors, bien, oui. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ils sont bons, les deux. Non, mais c'est vrai qu'on est tellement différents tous les deux. Non, parce que je sens qu'il faut qu'ils se rassemblent ses esprits. Barbara, tu disais. Non, on dit qu'on est tellement différents. C'est-à-dire, moi, je suis pleine de principes. Voilà, j'ai décidé quelque chose, je suis en mission commandée, je dois... Un peu rigide, oui, ouais. Légèrement. Et je dois dire à cet homme, voilà, maintenant, vous avez eu un fils, je sais, vous ne voulez pas en entendre parler, mais là, mon petit bonhomme... Il voilà. faut. Et lui, il est. Et en fait, vous en foutez qu'il se rapproche de son propre fils. J'ai juste besoin de lui pour vous qu'il. Vous voulez juste que votre fille puisse avoir un père pour enfin, son, que l'enfant pour son de. Voilà, c'est ça, exactement. Ça m'a l'air très compliqué. Non, non, c'est pas ça. Compliqué. Non, c'est pas du tout compliqué. Mais c'est super. C'est surtout drôle aussi. Il y a beaucoup de vannes. Ouais, c'est très. C'est, non, c'est, bah, c'est un rythme bref. De comédie. Bah, c'est une comédie, ouais. C'est ça, tu vas fermer ta grande bouche maintenant. Vas-y. Il est en répétition, Nagui, ou pas? Quel enfer, en répète, je peux pas en placer une. En fait, c'est un one woman show. C'est pas barrageuse et moi, je l'accompagne au piano. Après, on parle de la place des femmes dans la société, mais elle a plus de parité depuis longtemps, vous nous avez dépassé, évidemment. Non, c'est bien sûr, c'est drôle. Il faut alors les pièces qui font réfléchir. Moi, ça me fait toujours peur parce que dit réflexion, dit un peu prise de tête. Donc là, c'est l'intelligence de la plume de Muriel Magellan, c'est justement de parler de la transmission, de la paternité sur un thème quand même assez vif, assez drôle, assez enlevé. Et c'est vrai qu'avec Barbara, on a beaucoup de plaisir à s'approprier ce texte parce que ça, on a l'impression que ça parle de nous, quoi. Et est-ce que ce texte a été écrit il y a longtemps? Au niveau de la date, vous voulez ouais, dire la création non, du le jour de le jour de la semaine. C'était un mardi. Ouais. Je sais pas. Vous savez, Parce que est-ce que c'est cette pièce-là qui a donné lieu à une adaptation cinématographique oui. Ange et Gabriel avec Patrick Bruel et ouais. Isabelle Carré. Alors, c'est, copine, en fait, Isabelle Carré. C'est parti de la base, mais apparemment, d'après ce que nous a expliqué l'auteur, ils ont pris beaucoup de liberté à mi-chemin. Mm-hmm. Ils sont partis complètement ailleurs. Donc la première scène est commune et qu'après, ça n'est plus la même histoire. Voilà, c'est le départ initialement. Voilà, c'est le même principe. Découvrir. On a joué juste avant le générique. On s'est fait lourder. Et là, il nous donne une chance au grattage, on peut revenir au théâtre. C'était nous. C'est au théâtre de l'atelier, ça sera à 19h, si j'ai bien compris. Oui, ça c'est parfait bon pour horaire. Les gens. Oui, à partir du bien. 4 octobre, l'horaire est important pour une j'adore. Pièce. C'est vrai bah, on est compte, à 20h30, on est à table, à 22h, on est au lit. Donc ça nous permet d'avoir une vie saine, équilibrée, structurée. Vous en dites trop sur votre vie privée, Pascal, vous êtes à l'antenne, faites attention, tout le monde entend. Mais c'est vrai que ça fait rêver. Vous êtes entouré donc de Muriel Magellan, qui est auteur de cette pièce, d'Anouche Sedbon qui met en scène ouais. Voilà, et sur scène il y a et Barbara Schulz et Valérie de Cobert. Pascal, ça va, vous n'êtes pas trop entouré de femmes? C'est bon de travailler qu'avec des femmes. Pourquoi? Ça fait un peu bah, parce que tout d'un coup on se sent un peu plus viril. On est la seule voix qui résonne avec le... Non, mais c'est vrai, je vous assure, ça fait du bien de travailler avec des femmes. Vous aviez besoin d'être rassuré? Ah, un peu de... Bah oui, ouais. Quand même. Mais là, bon, fin de journée, par contre, on se sent un peu plus fragile. Au début, on ira comme ça, on est tout plein. Et puis, en fin de journée, on se dit, qu'est-ce qu'ils m'ont pris la tête? Qu'est-ce qu'ils sont? En plus, vous n'avez pas le bon rôle. Parce que la scène, nous, on ne l'a pas vue, on l'a lue. Mais j'ai lu dans les didascalies, le décor est constitué d'un bureau plutôt bordélique. Ouais. Vous travaillez, vous êtes dans une agence humanitaire, ou en tout cas dans une boîte de com qui est fait pour justement le partage, le respect, la compréhension de l'autre. Générosité. Tout ce que vous ne faites pas dans votre propre vie, entouré de revues porno, de cassettes X dans votre bureau. Regardez comment a fini Robert Ménard, c'est comme ça. Quelle horreur. Bah voilà, donc j'espère que je vais m'arrêter avant et grâce à Barbara qui intervient à temps pour me parler en fin de la vraie vie. Moi je viens éveiller le chameau. Je m'arrête avant le chameau, c'est lui. Je descends à Montpellier, je m'arrête à Montbéliard grâce à Barbara. C'est une réplique de la pièce. Vous, à un moment, d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment un personnage peut en insulter un autre. Vous lui dites, vous êtes un chameau. Ouais. Alors d'ailleurs, c'était un vrai problème pour moi. Enfin, je connaissais cette insulte, mais depuis que je sais que je vais jouer la pièce, j'essaie de la dire au moins une fois par jour dans la vie. Espèce de chameau. Oui. Pour m'entraîner pour que ça devienne mon insulte à moi. La plus connue, c'est dans Vieille Canaille. Vieux chameau. Vieux chameau. Quand Gainsbourg et Eddie Mitchell chantent, ils s'insultent en disant vieux chameau, tu as voulu piquer ma femme. C'est plutôt affectueux comme. Alors, je te le dis, le jour où tu me traites comme ça, je ne prendrai pas ça comme un signe d'affection. Ah, tu vois, si jamais tu te poses la question, non, sûr, comment ça va mon chameau ? Non. Il y a le petit côté égyptien qui va revenir. Avec, Non, mais quand tu dis à quelqu'un quel chameau, c'est très tendre. Oui, mais Nagui, c'est spécial, c'est l'égyptien, tu dis chameau, il se met à marcher de travers. Mais je te le dirai pas à toi, mais c'est quelque chose qu'on peut dire à des enfants, par exemple. Je crois pas. Sauf que dans la pièce, là, elle part avec une charge très forte en me disant vous n'êtes pas foutu de faire ça, vous n'avez pas de couilles, il faut maintenant prendre votre courage. Et elle finit sur vous êtes vraiment un chameau. Alors, évidemment, je tombe un peu. C'est un saut d'eau froide, c'est vrai. Ah oui, j'ai pas entendu ça depuis longtemps, vous avez sorti cette insulte du cimetière, c'est bien, chameau. Rien que pour ça, je vous aime bien. Non, il y a tout un jeu de séduction aussi qui s'installe entre vous. On ne dévoilera pas ce qui va se passer à la fin, parce que même moi, en le lisant, je me dis, mais comment il va s'en sortir ? Comment il va se sortir du jugement de son rapport avec son fils Simon ? Comment va se sortir aussi cette mère qui vient pour défendre la maternité de sa fille ? Va-t-il trouver la clé ? C'est assez intéressant. Où est la clé ? Va-t-il la remettre à sa place ? C'est ça. Rien que pour ça, je vais encore plus courir au théâtre de l'Atelier, ça sera à 19h. Il faut être hyper déçu, les gens. À partir du 4 octobre. Et il y a quand même de la musique aussi dans cette pièce, puisque vous faites vous chanter, vous fredonner, Pascal Elbé. Emmerdante, emmerdeuse, emmerderait si tout. C'est vous. Elle passe, elle dépasse, elle surpasse tout. Elle m'emmerde. Elles sont donc emmerdantes, y compris celles qui coupent ça dans la pièce. C'est voilà, ça, vous me faites signe que ça a été coupé. Ça a été coupé. Ok, très bien. C'est plus dans la pièce, super. Est-ce qu'il y a toujours. Il le pense, hein. Est-ce qu'il y a du Dylan ou pas ? Non plus ? Alors. Non, ça a été coupé aussi. Non, c'était. Très bien. Okay. Oui, non. Okay. Ça a été remplacé par une musique originale. Très bien. Ça correspond quand même bien à l'état d'esprit des personnages. Absolument. Voilà. Ah oui, emmerdante, emmerdeuse, tous ces. C'est ce que vous pensez des femmes. Bah évidemment. Au-delà du rôle, bien sûr, mais non, Pascal. Mais si je vous traite d'emmerdeuse, c'est comme si vous me disiez chameau, c'est affectueux. Ouais. Voilà. Ça, je suis pas sûr non plus que je traite très bien, en fait. J'ai trouvé ce que je répondrais. Voilà. Voilà. Tu dis pas ça, je dis pas ça. On est bon, en tout cas, deux excellents comédiens, trois même. On va rajouter Valérie de Cobert dans les compliments. Ça s'appelle L'éveil du chameau. C'est au théâtre de l'Atelier. On vous connaît pour la qualité de votre jeu et pour votre parcours. Et on va d'ailleurs reparler. Tout à l'heure de cet excellent film qui passe ce soir sur France 2, puisque c'est une soirée consacrée à la lutte contre Alzheimer. Il y a tout un débat aussi, et vous avez participé à un film dont on a déjà parlé aux côtés d'Isabelle Carré, de Pascal Arbillot et de Marthe Keller, et ça passe d'ailleurs le titre, je l'ai La vie à l'envers. Oublié, ouais. Voilà, j'allais dire, je l'ai oublié. La vie à l'envers. Et ça passe ce soir sur France 2, quand on vous a annoncé que Barbara Schulz et Pascal Elbé étaient nos invités, vos oreilles ont sifflé. Oui, immédiatement, Barbara, je vous revois face à Robert Hossein dans Antigone, texte mis en scène par Nicolas Briançon. C'est la première fois que je vous voyais sur les planches. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure. Qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noirôde et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille, et se dresser seul en face du monde. C'est le prologue d'Antigone de Jean Anouilh, réécriture de la pièce du même nom de Sophocle. Et dit par Bernard Dérand. Bernard Dérand, qui était le récitant de ce prologue. Oui. Et ce texte a été joué pour la première fois au théâtre de l'Atelier, oui, en février 1944, pendant l'occupation allemande. On en parlait hier. Voilà, donc c'est symboliquement, je trouve ça assez. Et ce qui était merveilleux, vous savez qu'en fait, toutes les pièces qui étaient écrites à l'époque, elles passaient par la censure allemande. Et quand ils ont vu, c'est quoi ça, Antigone ? Oui, bah, c'est bon. Et en fait, ils n'avaient pas du tout vu que le texte avait réécrit. Et il l'a joué la journée, parce qu'il n'y avait pas d'éclairage, avec le ciel, parce que le toit du théâtre de l'Atelier peut s'ouvrir. C'est pas vrai ? Ouais. comme le stade de Lille, c'est extraordinaire. Voilà, c'est ça. Je savais très bien le stade de Lille. On peut jouer à l'atelier. Alors, peut-être plus maintenant, mais en 1944, ma petite dame, c'était possible. En février, en tout cas, vous étiez bouleversante dans cette pièce. Et c'est, pour moi, c'est une référence. S'il faut voir un Antigone, c'est le vôtre, avec vous, avec Nicolas Briançon et Robert Hossein, le Rescator, Angélique Marquise des Anges. Voilà, je l'ai dit. Quand je pense à vous, Pascal Elbé, j'entends la voix d'un comédien avec qui vous avez joué. La fable du comédien qui s'échappe à lui-même pour plonger, pour épouser d'autres personnages, je crois que c'est une fable qui est un petit peu fausse, parce que on ne peut se baser malgré tout que sur des choses personnelles, sur des sentiments, sur des sensations à soi. Le tout est de faire glisser ces sentiments et ces sensations que l'on éprouve le plus pleinement possible dans un personnage, les faire glisser vers celle qu'éprouverait le personnage. Mais si on n'est pas soi-même au départ dans la période de travail, je crois qu'on aboutit à des choses assez extérieures. C'est Philippe Noiret au micro de Jacques Chancel dans Radioscopie en 1974, un comédien qui compte beaucoup pour vous, Pascal Elbé. Ah bah oui, c'était mon tuteur, mon papa de cinéma, donc et puis dans la vie on était très très complices. Et c'est d'ailleurs merci de passer cet extrait parce que voilà, c'est comme une masterclass en plus hein, ce qu'il raconte. Mais alors vous savez, parce que les gens vous voient pas. Vous êtes ravissante, les gens qui ne le savent pas. Voilà, je le dis à l'antenne. Il fait des grands gestes. Ouais. Je vais vous expliquer pourquoi je suis en train de vous brancher en direct. On parle de Philippe Noiret. On la verra, puisqu'elle va présenter le 20h de France 2 à la fin de la semaine. Ah bon? Bah oui. Ah bah bonne chance. Après-demain. On m'a dit comme ça, je sais. Franchement, bonne chance. Non, mais c'est vrai que vous n'avez pas des bonnes nouvelles annoncées tous les jours. Ça va être difficile. Mais tout ça pour vous dire non, que. Non, mais la Ménard et Cahuzac, ça va aller. Ouais. Il y a des doses. Ça va être fun. Mais pourquoi tu parlais des gestes de Leïla? Quand elle nous parle, elle fait des grands gestes comme ça avec les bras. Elle est féline. Et Philippe Noiret, je me rappelle, quand on était sur scène, il jouait une pièce de Yasmina Reza et il y avait Monique Chemette, sa compagne, qui était sa femme, qui était là. Et t'entends, pour s'aider dans son interprétation, il s'aidait avec son bras. Et il y a Monique Chemette qui tout de suite lui faisait de loin. Qui lui tapait imaginairement sur la main pour dire comme on tape sur les doigts d'un enfant qui veut toucher à la confiture. Exactement, parce qu'on n'a pas besoin de céder par la gestuelle, il faut que ça vienne de l'intérieur. Donc voilà, de ce genre de petites choses. Dit-il en parlant des mains. C'est pour ça que plus jamais j'ai parlé avec les mains. Plus jamais. Mais là, t'es peinard, on est à la radio, Pascal. Oui, c'est vrai. Alors à la radio, c'est pour dire que je fais des grands gestes avec mes oreilles. Moi, il faudrait me les attacher parce que sinon. Je fais des grands gestes avec mes oreilles. J'adore l'expression. Et enfin, Barbara Schulz, un jour, en regardant une édition spéciale sur Verdun à la télé, je sais pas trop ce qui m'a pris ce jour-là. T'as vraiment des soirées pourries. C'était même en journée. Je suis tombée sur vous parlant de votre famille, un grand-père qui a combattu à Verdun du côté français et l'autre du côté allemand. Je dois mon nom à une histoire d'amour entre un soldat de la Wehrmacht et une infirmière française. Toute cette partie de l'histoire familiale n'a pas été tellement racontée. Voilà. Et c'était une édition spéciale présentée par Marie Drucker, c'est le 29 mai de cette année. Et je vous ai découverte sous un jour nouveau aussi, et l'histoire familiale, en tout cas la vôtre, a l'air vraiment passionnante. Vous avez parlé de Pépé, de tout, bah, vraiment, vous êtes rentrée vraiment dans une forme d'intimité, et c'était très, très agréable à écouter. Et c'était incroyable parce que je trimballais en fait, comme souvent quand il y a des secrets comme ça dans les familles, une petite dose de culpabilité, même si c'était il y a deux générations. Oui, et puis surtout vous venez pour rien. Mais figurez-vous que... Oui, je le sais, ça n'est pas rationnel, mais depuis très longtemps, quand on me demandait, mais dis-moi Schulz, c'est quoi? Répondre que c'était allemand, ça n'était pas agréable, ça gratte quelque part. Ouais, ça... Et après avoir fait cette émission où j'ai vu la photo de mon pépé, donc en gros, mon père, on était tous sortis du placard là, et c'était terminé. Ça fait du bien. C'est allemand, Schulz, c'est allemand. Et puis c'est surtout une histoire d'amour. Oui, donc, magnifique. À partir de ça, on a tout dit. Bon, en même temps, la période était compliquée quand même, mais c'était une histoire d'amour. Et c'était un très beau moment télé. Merci. C'est un très bon moment radio aussi que nous venons de vivre. L'éveil du chameau, c'est une pièce qui se jouera au théâtre de l'Atelier à partir du 4 octobre à 19h. Barbara Schulz, Pascal Elbé sont nos invités pour en parler. Valérie de Cobert est également sur scène. Il y a un truc qui ne va pas du tout dans le texte. Alors autant il y a des choix musicaux qui visiblement ont été coupés, mais c'est la force des répétitions, c'est qu'on voit si le rythme va, on ne va crème, pas. Hein. C'est surtout le montant des droits. Genre, on répète, tu crois que c'est bien, Dylan? Je suis pas sûr. Combien ça coûte? Ouais, bah vraiment, là, je suis sûr. Non, c'est pas si bien que ça, finalement. Fredonner du Brassens, tu pourrais le faire. Attends, Nagui, tu sais que on peut même pas, sur scène, si on n'est pas autorisé, on peut même pas chanter Bon anniversaire. Mais non. Ah, mais c'est susceptible de droit et c'est passible de la peine de mort. on peut pas faire joyeux anniversaire, c'est vrai ça. On peut pas. On peut pas utiliser des trucs aussi simples que ça. Faut chanter faux, quoi. Ouais. Alors imagine Dylan. C'était l'anecdote que nous avait raconté Michel Blanc à propos des Bronzés, où quand il était coincé sur le télésiège et qu'il chantait Étoile des neiges, les droits avaient été trop élevés, donc ils avaient. Pierre Bachelet a dû réécrire. Ils avaient rajouté, mais en post-prod, quand tu reviendras, machin. Et qui était une chanson totalement bidon. Trafiquée, quoi. Largement inspirée d'Étoiles des Neiges, mais sans avoir les droits d'Étoiles des Neiges à payer. Non, ce qui m'a choqué, c'est que dans la pièce, Barbara, vous êtes censée avoir 50 ans, mais d'où vous avez 50 ans? C'est pas possible. Mais elle est pas loin, hein, elle a 49. Mais... c'est pas du tout crédible. Mais non, mais ça, c'était. Vous avez dû lire une vieille version. Ça a été réadapté depuis. D'accord. Pour des personnages plus jeunes. D'accord, ok, ça me rassure, parce que je disais. Et c'est vrai que c'est parfois, la magie du théâtre. Vous dites à cette dame, et ça va pas du tout avec Barbara. Oui, mais dame. En même temps, quand Barbara joue Antigone, on peut très bien lui donner 15-16 ans, et c'est l'illusion théâtrale, c'est la ça, magie. C'est ça qui est merveilleux. Bon, à un moment, la magie se. Mais bon. La magie s'appelle crème du jour. J'essaie de vous récupérer là. Merci, Zoé. Non, mais ça va, voilà. Non, je n'ai pas 50 ans. Mais je n'ai pas 15 ans non plus. Voilà. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barraille. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une devinette, Nagui. Est-ce que tu connais la différence entre un ongle de pied et un bœuf bourguignon? Eh ben, je viendrai pas bouffer chez toi. C'est l'heure de ma revue de presse. Aujourd'hui, on va parler sodomie. Jingle. La sodomie, c'est très très bien. C'est comme quand tu fais du sexe, mais en mieux, parce que t'es entre potes. Et après, ton pote, il te dit pas, viens, on discute, parce qu'il est comme toi, il s'est endormi. Semaine de merde. Bayer qui rachète Monsanto, François Hollande qui reçoit le prix d'homme d'état de l'année, et Alain Juppé qui existe. Putain, j'en ai marre de commenter l'actualité, c'est tout le temps la même chose. Tous les mercredis, je viens, je dis, oh, dis donc, regardez, on est en train de se faire enculer. Et hop, ça recommence la semaine d'après. J'ai l'impression d'être commentateur sportif au championnat du monde de viol. Je suis le Gérard Rolls de la sodomie. Oh oui, magnifique, record battu par la présidentielle de 2017. 8,23 m, c'est désormais le diamètre officiel de l'anus des Français. Alors, ça a commencé tranquille, hein, avec le rachat de Monsanto par Bayer. Alors, c'est le sida qui rachète la syphilis, en fait. Les mecs sont au top, ils maîtrisent la chaîne du cancer du début à la fin. Ils te le filent avec leur bouffe et ils le soignent avec leur médoc. C'est comme si dans les Happy Meal, le jouet, c'était une seringue d'insuline. Alors, Monsanto, pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est ceux qui vendent le Roundup, hein, ce sympathique produit de jardinage qui fait tomber les mauvaises herbes et les bonnes dents. Et puis, Bayer, ils ont un CV magnifique, ils ont inventé l'héroïne, le gaz moutarde, le tabac. C'est un neurotoxique, hein, ça provoque des vomissements, des diarrhées, des vertiges. Mais heureusement, les symptômes s'estompent rapidement, puisqu'après, on meurt. Ils avaient un peu de temps libre, ils ont aussi inventé l'aspirine. Dis donc, pour rigoler. C'est comme si tu coupes la tête à quelqu'un et après, hop, tu fais un bisou magique sur la plaie. Non, Bayer, il déconne pas. Le scandale de l'huile frelatée, CE. La pilule contraceptive qui agit en tuant directement la maman, CE. L'affaire du sang contaminé, CE. Et pendant la guerre, ils ont aussi acheté quelques déportés à Auschwitz pour faire des expérimentations sur cobayes humains. Non. Bah si, c'est simple. J'ai regardé l'organigramme de l'entreprise. Le PDG, c'est le diable, dis donc. Pour racheter Monsanto, ça leur a coûté 59 milliards d'euros. Alors avec cet argent, ils auraient pu acheter un bon litre de lubrifiant à chaque être humain. Mais ils ont préféré nous la mettre à sec. Alors, l'autre actu de la semaine, c'est François Hollande qui, de passage à New York, a reçu le prix de l'homme politique de l'année pour sa contribution à la paix dans le monde. Le mec, il est deuxième vendeur d'armes mondiales, il arrose l'Égypte, le Qatar et l'Arabie Saoudite, il bombarde la Syrie, l'Irak, il envoie nos soldats se faire sucer par des gosses en Centrafrique, et on lui donne une médaille pour son rôle dans la stabilité mondiale. C'est pas un prix qu'il faut lui donner, c'est une gifle. Putain de merde, c'est quoi la suite? On me donne un prix Nobel de poésie pour la chronique? De toute façon, les Américains qui organisent des cérémonies pour la paix, c'est ridicule. Moi, je n'attends plus qu'une chose des Américains, c'est qu'ils meurent. Hein. Peut-être que l'année prochaine, ils vont donner leur prix du super-homme politique au Premier ministre hongrois. Il vient d'autoriser son armée à tirer sur les migrants. Alors, je ne déconne pas. Maintenant, les soldats hongrois ont le droit de tirer sur les migrants si c'est pas mortel. Par exemple, tu peux lui tirer dans le genou, hein, c'est pas mortel. Tu peux lui tirer dans l'épaule, c'est pas mortel. Tu peux lui tirer dans ses enfants, c'est pas mortel. En plus, on n'est même pas sûr que la mesure dissuade les réfugiés. Un mec qui se dit je vais immigrer en Hongrie, c'est un mec qui n'a plus rien à perdre. Mais ça fait de la pub au pays. Avant, la Hongrie, c'était surtout connu pour les putes. Maintenant, ce sera surtout connu pour leurs fils. Merci de m'avoir écouté. Un politique. Ça va mieux? Oui, ça va mieux, okay. Je te remercie. C'était ouais. Bien le disant. Mais nous aussi, oui. Ouais, nous aussi, ça va. Ça pique un peu aussi. Ah bah c'est eux qui ont commencé. La bande originale de Barbara Schulz et Pascal Elbé. Nos invités seront au Théâtre de l'Atelier à partir du 4 octobre pour l'éveil du chameau. Et là, on en a pris quelques dates que vous avez peut-être en commun et mises en musique. Nous, on paye les droits. En 87, en 87, Barbara est au cours Simon et elle écoutait Cure. Yeah, so it's nice to hear. Show me, show me how you do that trick. The one that makes me scream, she said. The one that makes me laugh. En plus, vous la connaissez par cœur, cette chanson. Tokyo, hein, j'adore. Tokyo. Mais j'étais gothique, moi. Non. Ah, si. Ah, si. Schulz, Schulz, grand-père allemand et gothique, oui, ça fait non, beaucoup. Non, non, j'allais au concert de Cure, je m'habillais en noir, j'avais des Doc Martens. Oui, bon, j'avais Doc Martens, mais... Il y avait un petit côté de nos futurs aussi, vous avez eu une crise d'adolescence? Non, un peu tardive, vers 17 ans. J'étais formée très tard. Et non, je buvais des Cronenbourgs sous les ponts avec mes copains, on allait au concert de Succiane de Banshees. Oui, vachement bien. Christian Death. Et c'était la même période où vous preniez des cours de théâtre et vous avez fait votre premier casting, et en fait, votre maman ne voulait pas que vous y alliez. Oui, parce que le mec avait l'air d'un pervers. Comme tous les directeurs de casting, non? Non. Elle veut garder. Elle veut continuer d'avoir des rôles. À l'époque. Enfin, je connais bien Stéphane Fuenkinos quand même. C'est. Ah bah non, il pas fait lui. Peur, c'est un pervers. Ah non, ah non, non. Là, je parle d'un espèce de vieux truc sale qui faisait peur. Je quoi. Sais. Ouais. C'est un pote. C'est pour ça que je m'amuse à le charrier. Vous avez donc. Vous n'êtes pas allé au casting en question à l'âge de 16 ans. Non. Avec peut-être des regrets. Pas du tout. Le film était naze. En plus, ah ouais, donc vous l'avez vu. Vous avez eu un bac scientifique et vous avez repris plus tard une formation dramatique. Autrement dit, vous avez toujours voulu, vous aviez ça au J'ai fond toujours voulu, vous. Mais je faisais les deux en même temps en fait. Quand j'étais après mon bac, j'ai une licence d'éco. Et en fait, pendant vous, que j'étais ça à la vous fac, fait encore rire. Ben oui, parce que je ne sais même plus ce que c'est que le CAC 40. Mais j'allais à la fac et en même temps, j'allais au cours de théâtre. Et quand on me demandait qu'est-ce que tu fais, je dis je suis étudiante en économie. Et on me foutait la paix. Alors que si j'avais dit je suis jeune comédienne, ah bon, tu as fait quoi? Bah rien. Ouais, c'est ça. On passe pour une andouille et puis ça met la pression. Voilà, c'était très bien. Pascal Elbé, dans cette même période, vous avez aussi un bac d'économie, ça vous fait un point commun. Ah bon c'est vrai, c'est vrai. Mon grand-père était juif comme le tien. Ah non, non, il a été déporté par le tien. Ah bah ça crée des liens. Hein. Ah oui, forcément. Non, je regrette, heureusement qu'on n'est pas en direct. Ouf. Et Pascal, écoutez. Where the streets have no name, you two, vous... Alors, cette musique évoque quoi dans la bande originale de votre vie? Vous entendez cette musique, vous voyez où? Habillé comment? Je sais pas, ou dans quelle situation? Non, en fait, je voulais mettre Henri Comasias, mais on m'a dit quand même, c'est pas du tout branché, Pascal. J'essaye de penser à une musique qui soit un peu plus fun. Tu écoutais quel Henri Comasias? Bah oui, j'avais les 78 ans, mes parents, ils venaient d'arriver. Non, en fait, U2, c'était... ça a bercé notre enfance, c'était d'un coup, on découvrait, vous savez, c'est l'âge où on a les boutons et on a la révolte facile, et c'était les chanteurs engagés, et pour moi, ça a bercé toute une période où ça a été le début de ma prise de conscience sur certains aspects de ce monde. Vous aussi, vous étiez. Mais non, mais il y avait ce côté on va donner un grand coup de pied dans la société, on va tout bouleverser. Vous non, étiez non, militant, moi, vous étiez, je sais pas. Non, j'étais militant passif. J'ai toujours été passif. C'est. Vous voulez en parler, Pascal ? Un peu lâche, voilà, un peu lâche. Vous savez, nous, on a appris dans notre famille, par mes ancêtres, à un peu hop, circuler dans les coins, à pas être, comment dire, trop actif, trop en vue, trop visible. Nous étions la minorité invisible. Voilà. Et c'est vrai que mais grâce à YouTube. Vous êtes d'accord avec Chevènement qui dit qu'il vaut mieux se faire discret en ce moment? Ah non, non, là je suis pas d'accord. Non, non, là pour le coup, non. Là Jean-Pierre, il déconne. Pour le coup. En plus, vous cumulez en fait, Pascal Elbé. Parce que visuellement. Ouais. Ouais. Ouais, bah, c'est ça, je suis désolé. Ouais. Non, mais va au bout du jeu. Visuellement. Mais non, quoi. Parce que visuellement, quand on voit Pascal Elbé, on peut se dire qu'il vient de la Méditerranée. Il a une tête d'arabe. Et, que, voilà. Et ouais. Alors, t'as un problème avec les arabes? Non, mais aucun, mais en ce moment, j'ai la sensation qu'il y a un problème. Non, là, j'ai de la mousse à raser, ça y est. Je m'intègre. Et vous non plus, vous n'avez pas eu le soutien de votre famille pour vous lancer dans quand vous avez quitté Strasbourg? Oui. Mais j'ai même pas eu le soutien de la ville. Ce qui est pas une vanne. Non, non, mais c'est vrai, j'ai même pas eu le soutien de la ville. C'est lui là, c'est ingrate pour ça. Quand Pascal Elbé a quitté Strasbourg, il a chanté. J'ai quitté mon pays. J'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie. Elle est sublime, cette phrase. Elle est sublime. Elle est malheureusement d'actualité, mais elle est sublime. Donc revenons à Strasbourg. Ouais. Et ça, on enlève Enrico parce que je veux aussi, on va pleurer sinon. Ouais. Strasbourg, bah évidemment, moi je connais aucun parent qui est heureux à l'idée de voir ses enfants partir faire les saltimbanques. C'est quand même le pire donc métier. Vos parents étaient inquiets avec qu'est-ce que et au moins un diplôme pour avoir un métier, mon fils. Ah mais évidemment, et au moins un métier. T'es pas bon à l'école, mais essaye de trouver quelque chose. C'était à l'époque où les diplômes pouvaient encore te filer un c'est boulot. Ça. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on peut dire plus facilement à ses enfants, ouais, bah, écoute, tu veux être chômeur ou comédien, vas-y, qu'est-ce que tu t'en fous. C'est exactement ça, ouais. C'est vrai. Chômeur ou chômeur. Ouais. En 1999, Barbara, vous êtes avec Jean-Yann et Catherine Fraud au cinéma, avec Gérard Depardieu au théâtre. Ça se passe plutôt bien dans votre carrière. Et vous écoutiez. Solide, à pavora, tudo demorando em si. C'est laquelle, Enrico Macias? Celle-là, je la connais pas. C'est Caetano Veloso, c'est une voix de velours. Elle est dingue, cette voix. Gilberto Gil, Tropical Deutsch. Vous parlez portugais? Si, eu falo. Ah, là, moi j'ai l'impression que c'est un joueur de foot. Là. C'est un joueur du PSG. Grosse colonie nazie au Brésil. Grosse colonie. J'ai peut-être reparti ma place. Tropical. Quel souvenir vous gardez de cette période déjà avec cette bande originale dans votre vie, d'écouter de la musique brésilienne, de fréquenter ces monstres sacrés que sont Jean-Yann, Depardieu, Attali qui avait écrit la pièce ouais. Les Portes du Ciel, ouais. Catherine Fraud, Pascal Thomas, enfin bon, c'est incroyable comme. Ouais, oui, j'avais des bons partenaires. Comme, et... Non, c'est une rentrée ouais, chargée. C'était chargé. Et mais oui, au théâtre Depardieu, j'ai passé 6 mois avec lui dans cette pièce écrite par Jacques Attali. C'était une aventure incroyable. J'en reparlais l'autre jour avec le metteur en scène. On a eu un fou rire parce qu'on répétait à l'Olympia dans une salle de répétition au moment où il y avait Compay Segundo qui faisait des concerts. Donc moi, je m'arrangeais pour qu'on travaille pas. Pour qu'on travaille pas mes scènes, et à un moment Gérard dit je vais pisser, et puis il revient et il y a 12 cubains derrière lui, des colonels, des machins, et il dit à Stéphanie, ça t'embête pas, c'est mes potes là, ils vont regarder la répétition, et on a répété devant avec... Compay Segundo. Non, pas Compay Segundo, mais devant 12, il y avait des politiques, des mecs qui traînaient, des colonels, des trucs, et on d'accord. A répété toute une soirée devant 12 officiels cubains avec des moustaches et des... c'était rigolo, ouais. Dans ces années 80, fin des années 90, début 2000, Pascal Elbé, vous écoutez. Eagle Eye Cherry avec Save Tonight. Et là vous retrouvez des potes, la bande de potes ou des pires potes. C'était notamment dans Les Parasites avec Philippe de Chauvron qui a fait un carton au cinéma. Je veux t'aider, mais je n'y suis pas là. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Merci. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Vous avez co-écrit la pièce de théâtre Tout baigne avec Aude Thirion, Éric Laborie, Roland Marchisio, Marie-Isabelle Massot et Bob Marté. Ça, c'était. Vous aviez quoi ? Un sentiment à l'époque que vous pouviez recréer une troupe comme le Splendide, c'est-à-dire une bande de potes qui écrit, qui balance des vannes et qui se lâche ? Ah ouais, c'était une époque bénie. C'était l'époque de la troupe, du colcause, d'imaginer le monde ensemble. Et c'est vrai que ces années-là, c'était du pain béni. J'ai démarré le métier avec beaucoup d'insouciance. Et c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs tous les deux et qu'on a travaillé ensemble. Et d'ailleurs, c'est toi qui produisais la pièce, c'est ça? Non, ouais, la pièce et la après pièce, la série. Après, on avait travaillé ensemble. Tous les trois. C'est-à-dire qu'il y avait les pires potes. La première fois que j'ai travaillé avec Pascal, c'était sur les pires potes. Il était déguisé en Tintin. Ouais. Oui, c'est vrai. Et il y avait Atman Khelif au passage, ah, ça, que l'on s'est fait. Et c'est vrai que c'était une époque où on s'est tous rencontrés et bah, ça remonte à loin, mais voilà, j'ai un souvenir toujours ému et joyeux de toute cette période-là. En 2010, Pascal, vous passez à la réalisation en écoutant du Eminem. From infinite down to the last relapse, I will be still. Whether he's on salary paid hourly until he piles out or he his piles out of him. Whichever comes first, for better or worse. He's married to the game, like a f*** you for Christmas. His gift is a curse. Forget the earth. Vous passez derrière la caméra, vous réalisez votre premier long métrage, Tête de Turc, avec Roche Dizem dans le rôle principal. Oh, c'était un beau, tellement beau film. Des nominations, des reconnaissances, la reconnaissance du métier, c'était. Vous aviez mis beaucoup de vous aussi dans ce film. Ouais, ouais, on s'en rend pas compte quand on écrit une histoire, on a l'impression qu'on va tout fictionner, mais en fait, mes amis et mes proches m'ont dit, bah, c'est quand même beaucoup toi. Et comme souvent un premier film, donc il y avait tous ces, il y avait plein de belles choses dedans. Il y avait des maladresses aussi. On essaye de tout mettre. Il y avait votre fils. Il y avait mon fils qui jouait dedans. Puis il y avait ben maintenant je plus jeune. Ouais. Ouais, il y avait ces jeunes que j'avais repérés. Puis il y avait mes camarades, mes sœurs de métier qui nous ont quittés toutes les deux. Donc c'est toujours un souvenir un peu ému. Je pense à Valérie Benguigui, à Rony Telkabetz. Et c'était ça restera un souvenir un peu à part à cause de ça aussi. Mais en tout cas c'est notre ça a été notre parenthèse à nous. C'est un film à voir et à revoir qui prend là aussi encore une fois aujourd'hui une dimension étrange. Bah, malheureusement, voilà. Malheureusement étrange. Il est toujours d'actualité parce que ce film démarre par le caillassage d'un médecin urgentiste. Parce que avec ces jeunes qui rejettent tout modèle de société, tout ce qui donc dès qu'il y a un gyrophare, forcément c'est quelque chose qu'il faut absolument attaquer, bannir. Et aujourd'hui, malheureusement, ce film est encore d'actualité. Je dis bien malheureusement, ça n'a pas évolué. Il a été fait il y a quelques années, mais c'était déjà, disons que la société française allait déjà très mal. Ouais. Et aujourd'hui, on va dire. On passe vraiment à la caisse, mais c'était déjà le cas à l'époque. Et ce qui était bien, c'est que c'était pas forcément un film manichéen. C'est pas juste dire il y a des sirènes, donc les gamins caillassent. C'est aussi un moment pourquoi ces gamins caillassent, parce qu'ils sont exclus, ils sont rejetés, ils sont pas pris en compte, ils sont pas regardés. Donc c'était pas. Et puis ça parlait beaucoup des femmes surtout, de la place des femmes dans cette société, là dans ces cités-là un peu phallocrate, faut le dire. Et pendant ce temps-là, Barbara, elle, est partie s'installer à New York où elle écoutait All the Notes. En quoi le séjour aux États-Unis a changé quelque chose dans votre vie? C'est une période où vous avez eu aussi un enfant, Jérémy. Bon, c'était le deuxième, alors je savais ce que ça faisait, mais bon, ça, deux, c'est pas commun. Non, c'est surtout que je suis partie là-bas sans savoir si j'allais revenir. Et que là-bas, j'étais plus vraiment dans ma zone de confort. Je me souviens un jour, le premier casting que j'ai passé, je venais de repasser mon permis de conduire. Et là, je me disais, attends, tu vois quel âge? Parce que je venais de passer mon permis, j'allais donc à une audition pour trois phrases où la nana était très désagréable. Et je me dis, je suis dingue, j'ai tout quitté pour. Et du coup, je me sentais comme un lapin. C'était une manière de se remettre en question aussi, de repartir de zéro. Oui, parce que du coup, cette audition, figurez-vous que je l'ai eue. C'était chouette. Voilà. Je m'étais fait passer pour une Italienne et ils m'ont cru. Et Oui, Mussolini, tout ça. Tu perds rien pour attendre, toi, tu vas voir. Et le fait d'être sortie de ma zone de confort, c'était assez difficile, mais c'était très enrichissant. Je suis retournée à l'école, j'ai appris à chanter, j'ai pris des cours de musique. Pourquoi vous êtes revenue, pardon, si vous étiez finalement rafraîchie par tout ce que alors, vous dites? Alors, j'étais rafraîchie, mais c'est comme, je vais faire une super belle métaphore, c'est comme quand vous partez pour traverser le désert avec une petite bouteille d'eau, et il y a un moment, il y a juste assez pour revenir, et vous ne savez pas vers où vous allez. Donc j'avais fait quelques trucs là-bas, mais quand même, on me proposait toujours des choses en France. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon... Et c'est marrant, Marthe Keller, qui est dans le film là, ce soir, qui a vécu à New York, elle m'a dit, t'as pas remarqué... Avec Al Pacino. Avec Al Pacino, qui l'appelait très régulièrement sur le tournage. C'est vrai ? Ouais, c'était chouette. Et elle m'a dit, t'as pas remarqué, à New York, tu vois les plus beaux films, enfin les plus belles comédies musicales, tu vois, dans les restaurants qui sont fous, dans des soirées dingues, tout est toujours plus chouette, génial. La ville qui ne dort jamais. Et il y a un moment, tu dis, bon, et puis... Et il manque le bouillon cube. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? À New York, ils voient pas du tout ce que vous voulez dire. Non, mais et non, puis. Non, mais il y a un moment où ça peut manquer de goût ou de naturel. Ouais, c'est-à-dire que quand je suis rentrée à Paris, la boulangère peroxydée désagréable qui vend mon croissant, et ben, je l'ai trouvée délicieuse. c'est qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas. Puis c'est chez moi ici, voilà, ouais, j'avais envie de rentrer. C'est la France. Voilà, c'est la France. Et on l'aime comme ça, exactement. L'éveil du chameau, Barbara Schultz et Pascal Elbé sont au théâtre de l'Atelier, à partir du 4 octobre prochain, ça sera à 19h. Comme vous l'a dit Pascal, à 20h30, vous êtes chez vous, vous mangez, 22h30, au lit. C'est beau la vie d'artiste. Et dans cette pièce, donc, il y a toute cette quête, évidemment, et ce travail sur la paternité, d'assumer le rôle de père, alors que vous êtes une espèce de vieux beau, avec des épaules. Les épaules sont très importantes dans le texte, voilà, les épaules larges. Vous êtes une sorte de vieux beau qui, finalement, tout ce qu'il veut, c'est aimer les femmes, c'est être épicurien et ne pas se soucier de l'éducation et encore moins de son fils. Et en plus, il faut être, vous n'avez pas été lâche dans ce qu'on comprend de la pièce. Vous avez clairement dit au début à celle qui a mis au monde votre enfant, je ne serai pas le père. Elle a dit très bien, je garde mon enfant, au revoir. Donc vous vous sentez en plus même pas coupable d'avoir abandonné, entre guillemets, de ne pas avoir été le père. Oui, complètement. C'est un choix assumé, c'est une façon de se perdre et de jamais. Il lui manque le premier chapitre de sa vie, puisqu'il n'a pas, apparemment, il n'a pas connu son père. Et à un moment donné, elle me pousse dans mes retranchements en disant, mais elle me parle de mon fils. Et à un moment donné, moi, je vais lui dire, mais c'est con un père. Tu ne peux pas imaginer à quel point c'est con. Mais un père, c'est con, c'est comme ça. Un père pertinent, habile, insolent, inattendu, ça n'existe pas parce qu'un père, c'est con. Et en fait, on comprend qu'il parle du sien. Et donc, évidemment, elle va le réconcilier avec cette part meurtrie de son enfance, n'est-ce pas ? Alors, on a demandé à Christine Gastelin-Meunier, merci de venir à notre micro. Ouais, merci, Christine. Vous êtes sociologue au CNRS, enseignante à l'école des psychologues praticiens. Vous avez fait beaucoup de travaux sur les transformations du masculin et du féminin et du rapport, justement, à l'enfant. Vous avez signé chez Stock Le Ménage, la fée, la sorcière et l'homme nouveau. Je voulais savoir si le personnage dont parle et qui est incarné par Pascal Elbé est emblématique, finalement, de notre époque, avec ce culte du moi d'abord, je m'occupe de ma vie et je verrai après ce qui se passe autour de moi et fuir ses responsabilités. C'est vrai. Merci. Christine, ne vous inquiétez pas. Ils font toujours ça, c'est un peu le baptême. Quand on a affaire à des spécialistes, c'est un gimmick même. C'est vrai. Je réitère. Et donc. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette pièce, alors que quand j'ai commencé à lire les premières phrases, je me suis dit, oh, glauque, porno, tout, pff, voilà. Ouais, moi aussi. et finalement, eh ben, je ne l'ai pas lâché. Et j'ai lu jusqu'au bout, avec beaucoup d'intérêt. Pourquoi ? Parce que vous étiez payé ? Pas du tout. Ben non. Non, ça prenait même sur mon temps. Voilà. J'avais d'autres choses à faire. Pourquoi ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, d'abord, il y a plein de retournements, de rebondissements, tout ça. C'est que, la femme réussissait à faire changer l'homme. Dans le bon sens du terme. Ne dévoilez pas la fin non plus, je vous en supplie. D'accord. Non, très bien, très bien. La clé. C'est le rebondissement. Moi, je vais pas la donner. D'accord. Je vais pas la donner, la clé. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Pourquoi ? Parce que quand j'ai commencé à travailler sur le masculin, c'était en 88. Oula. Et mon idée était que plus ça change du côté des hommes, mieux ça va aller du côté des femmes, dans le sens du respect des droits. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui n'assument pas la paternité ? Est-ce que ça, c'est un phénomène de société, parce que on peut facilement divorcer, parce qu'il y a le contrôle des naissances, et que ce contrôle des naissances permet aux filles de décider finalement si elles veulent ou pas un enfant. Il y avait la chanson de Goldman, elle a fait un bébé toute seule, qui était aussi un phénomène générationnel et belle chanson. D'une période de notre société. On retrouve là aussi cette même volonté dans la pièce de théâtre, dans L'éveil du chameau, de la fille qui veut un enfant et qui est capable de l'élever sans que le père soit là. Est-ce qu'il y a des pères démissionnaires ? Est-ce que c'est devenu une nouvelle forme de paternité ? Non, pas du tout. Parce que À l'échelle d'une histoire, vraiment, l'histoire a été construite avec des tas d'hommes qui abusaient des femmes et qui abandonnaient les enfants. Et il y avait même ce qu'on appelle le tour, là, où un enfant abandonné, c'était dans une sorte de lieu religieux. Et la jeune femme déposait le tout petit dans ce qu'on appelle un tour, et elle sonnait la cloche pour qu'on vienne dans ce clergé, dans ce lieu religieux. Quand elle abandonnait l'enfant. Ouais. Et à l'échelle de l'histoire, il y a un nombre d'enfants abandonnés, mais gigantesque. Et donc, moi, c'est ça que je trouve important, intéressant dans notre société, c'est que il y a vraiment une humanisation du masculin, il y a vraiment une répartition des responsabilités entre les hommes et les femmes qui se fait d'une manière beaucoup plus respectueuse, et dans l'estime de soi et dans le respect d'autrui, et en même temps, malheureusement, plus ça va dans le sens positif, plus aussi il y a du défensif. Et il y a des hommes qui, de plus en plus, deviennent violents et veulent absolument affirmer leur masculinité, leur virilité. Parce qu'elle est en danger. En disant, oh, ouais, y a plus de mecs, qu'est-ce qu'on nous fait, qu'est-ce qu'elles nous font les bonnes femmes, etc. Et moi, pour moi, la thèse essentielle, et je la sens là-dedans, et en plus, c'est quelque chose qui stimule le désir, cette pièce. Je la trouve super dans ce sens-là aussi. Ah ben il y a tout un passage justement où le personnage de Barbara parle de la manière dont une femme a connu le fait d'être longtemps désirée, mais qu'elle découvre aussi le fait de désirer avec le mal au ventre que ça lui procure. Le sentiment du désir qui n'est pas relié au sentiment amoureux. Envie, parce qu'en fait je le réveille sur un certain plan et il va me réveiller sur un. Un autre plan. Bah, oui, évidemment, bien sûr. Est-ce qu'il est fréquent que même inconsciemment, nous reproduisons le schéma dans lequel nous avons été élevés, en l'occurrence dans la pièce, l'abandon du père, et ben finalement, Michael abandonne également son fils. Et est-ce qu'on ne fait que être les enfants de nos parents et on n'est pas plus originaux en gardant les mêmes schémas ? Il y a quand même aussi de la créativité. Et il y a le libre arbitre, oui, mais inconsciemment. Les individus orientent leur vie, mais bien sûr, au départ, il y a la tentative de la reproduction, ou au contraire, de faire à l'inverse, ce qui n'est pas forcément mieux. Mais justement, à l'échelle de l'histoire, quand on parle de la paternité, ce que je trouve très intéressant, c'est que avant, c'était le rôle qui définissait la paternité, l'institution, la famille, etc. Et puis, bien sûr, le paternalisme. Et on est en train de sortir de tout ça pour aller vers la construction des liens entre l'homme et l'enfant. Et pour moi, il y a humanisation du masculin, et dans le beau sens du terme. Mais c'est vrai, si je peux me permettre, c'est vrai que nous, on était élevés, plus, nous les hommes, on va dire, les futurs hommes, on ne nous a pas appris à gérer bien nos émotions. C'est pour ça que parfois, quand on se fait larguer, on souffre bien, parce que nous, on nous a dit, on pleure pas, faut pas pleurer. Un homme, ça pleure pas, et ça cuisine pas. Bah, le jour où on se fait larguer par sa gonzesse, on ne sait ni cuisiner, et on commence à pleurer, on dit c'est pas normal, je suis vraiment une... J'ai un problème. Et je pense que si on apprenait un peu plus tôt à nos gamins à s'autonomiser, à devenir autonome, on va dire, à apprendre à cuisiner, à apprendre aussi à pleurer sans que ce soit... À assumer de pleurer, oui. Assumer ses émotions, mais on ne serait pas submergé par la suite, peut-être on serait un petit peu moins maladroit avec les femmes par la suite. Tout à fait, et là, vous évoquez le sujet de mon prochain livre. Ah, oui. Qui s'appellera comment ? Merde. Comme par hasard, soit sur l'occasion. Tu veux faire la préface ? C'est-à-dire qu'il sera quoi de la manière d'éduquer les garçons ? Sa livre de cuisine. Ah, je garde le mystère. Et non. Non, ce que je trouve très intéressant, c'est pour ça que j'avais fait aussi sur le ménage, c'est cette idée, ce que vous venez de dire, très bien dire, c'est-à-dire que de plus en plus, surtout avec l'allongement de la vie, avec bien sûr tous ces changements dans la vie de chacun, eh bien, il y a cette capacité de plus en plus à prendre en compte, à assumer ses besoins, ses responsabilités, sans s'occuper éventuellement de l'autre ou en s'occupant de l'autre. Et ça, c'est très positif. Est-ce qu'un, mais c'est un partageant, papa, en partageant les tâches ménagères. En partageant de plus en plus, là où les statistiques nous disent non, rien ne bouge, mais à l'échelle de l'histoire, ça a complètement bougé. Les hommes, ils savaient rien faire dans la cuisine. Oh, ça va. J'ai un ami qui s'est fait larguer, qui est mort de faim. Le ménage, la fée, la sorcière et l'homme nouveau, c'est chez Stock et c'est signé Christine Castelin-Meunier. Et donc à suivre un nouvel ouvrage dont le pitch a été révélé tout à l'heure par Pascal Elbé et dont Christine ne pourra pas nous en dire plus. Merci Christine d'être venue à notre micro. Merci, c'est vous, très merci gentil. Christine. On va continuer de parler des responsabilités en tant que père avec Daniel Morin qui est quand même celui qui sait tout autour de cette table. Parce que il faut quand même se poser la question, pourquoi accepter de prendre ses responsabilités même quand on a du mal à être père? C'est ça la vraie question. Oh, qu'elle est belle! Quoi? Oh, quelle est belle cette question, monsieur Guy! Oh là là, ça c'est de la question de champion, nom de Dieu! Petit bémol toutefois, ce n'est pas la bonne question. Ouais, non, aujourd'hui, la bonne question, vu l'actu de nos invités, est pourquoi faut-il refuser ses responsabilités quand on a du mal à être père? Mais il faut refuser tout simplement parce que, merde, on est au troisième millénaire. Est-ce qu'on peut parler de progrès social? Non, en l'occurrence, on ne peut pas, si on refuse au père son droit le plus strict, voire fondamental, de renier ses gosses. Les gosses, tu les fais une période précise, une période calme ou euphorique, où avec la mère, la génitrice, régnait un climat de bien-être. Une fois que le climat s'est dégradé, pourquoi avoir à traîner comme un boulet les fruits d'un passé devenu encombrant? C'est pour ça qu'il est important, messieurs qui nous écoutez en ce moment même, il est important, voire crucial, que même si tout va bien avec votre femme aujourd'hui, sachez que ça ne va pas durer. Il est donc crucial de ne jamais, je dis bien jamais, reconnaître ses enfants à la mairie. Ou alors, non, c'est vrai. Ou alors pas tous. Un exemple, Nagui, il a très bien compris. Sur ses 73 enfants naturels, il en a reconnu 4. Le mieux, c'est d'en reconnaître zéro, c'est évident. L'enfant, c'est une pompe à fric, ingrate, souvent sale. Il n'attend qu'une chose, votre mort, pour récupérer vos biens. Je sais de quoi je parle, j'ai essayé de faire abattre ma mère 29 fois. Pour récupérer la grotte familiale située dans le sud-ouest, dans laquelle j'ai grandi, jadis, au milieu des ours et des bouquetins. Alors, prendre ses responsabilités quand on est père, c'est savoir les fuir, ses responsabilités. Assurer le futur d'un gosse au risque de pourrir son présent à soi, c'est un calcul à la con auquel on ne peut remédier que par l'abandon de toute la marmaille. Désolé, mais ma démonstration prouve une fois de plus, monsieur Guy, que vous avez dit n'importe quoi. Merci. La ville originale, la vie sur France Inter. Et comme la pièce de théâtre démarre le 4 octobre prochain, et comme Barbara Schultz a eu la gentillesse d'accepter de venir participer à mon émission Tout le monde joue en direct la semaine prochaine avec Stéphane Bern, je lui ai programmé encore un cure pour la mettre de bonne humeur. Exact. Où est la clé? Get up for a while. Love Cats, The Cure, Barbara Schulz et Pascal Elvé sont nos invités. Ils sont au théâtre à partir du 4 octobre. Ça s'appelle L'Éveil du Chameau, au théâtre de l'Atelier. Le décor est un bureau, c'est un fourre-tout, c'est une chambre. Expliquez-moi un peu, parce que on a l'impression que c'est un gros boxon. Ouais, c'est pas ça, très c'est bien rangé. C'est pas un bureau moderne, c'est un bureau qui a du charme. Parce qu'en fait, il explique que pour lui, il ne fait pas de frontière entre le travail et la vie. Donc, il vit là où il travaille, il travaille là où il vit. Donc, évidemment, ça peut se transformer en fonction des activités de la journée en bureau, mais aussi en lupanard. C'est ça. Ça, c'est un bon titre. Ça tease enfin, bien. L'éveil du chameau. La louve. Exactement. Voilà. On continue de Rome. Ouais. On continue avec nos invités jusqu'à midi et demi dans cette bande originale. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Now, de Caroline Carlson, du 23 au 30 septembre au Théâtre National de Chaillot. Le dernier succès de Caroline Carlson revient à Chaillot après avoir tourné pendant 2 ans dans toute l'Europe. Puisant aux sources du zen, mais également aux écrits de Gaston Bachelard et Rudolf Steiner, cette pièce célèbre avec humour et poésie l'urgence de vivre l'instant présent. Retrouvez Now de Caroline Carlson dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. Vous êtes bien sur Inter, il est midi. Les informations, Laetitia Gaillet. Des gerbes déposées, des personnes recueillies, une minute de silence pour ne pas oublier. Toulouse a commémoré ce matin les 15 ans de l'explosion de l'usine AZF. Plus de 200 personnes étaient présentes devant le mémorial installé sur le site de l'ancienne usine. Parmi elles, Guy Fourest qui a rencontré Stéphane Iglesias. Et je vois que quand je suis dans le car, je parle avec des personnes qui me disent « Quand une porte claque, j'ai peur. Moi aussi, j'ai peur quand une porte claque. » Là, nous avions mis cette stèle qui est à côté de moi, là. Et chaque année, comme vous venez de le voir, je suis quand même le seul à venir déposer 3 roses. Ça me peine un peu. Parce qu'on devrait avoir un peu de reconnaissance pour toutes ces personnes qui ont laissé la vie dans cette catastrophe. Les gens, quand on parle avec eux, certains disent « Mais vous nous embêtez avec AZF, il faut arrêter avec AZF ». Et moi, je pensais qu'avec AZF, on ne peut pas arrêter. On n'arrêtera jamais. Quand vous avez un souffle de 400 km/h qui vous passe et que vous voyez vos tuiles et vos fenêtres et votre maison se détruire devant votre nez, 70 ans de travail pour rien. Alors, c'est une explosion. Une catastrophe terrible. Là, l'association l'a arrêté, mais on continue quand même à aider les gens. Ça fait 15 ans que ça dure. On ne passe pas un jour sans avoir quelqu'un qui vient demander si on peut faire quelque chose pour toutes les victimes. On est toujours là, quoi, voilà. Voilà ce témoignage recueilli à Toulouse par Stéphane Iglesias. À l'étranger, des coups de feu ont été tirés aujourd'hui devant l'ambassade d'Israël dans la capitale turque à Ankara. C'est ce que rapportent ce matin des médias turcs. 2 personnes auraient tenté d'entrer dans l'ambassade avant d'être neutralisées. C'est ce que dit la chaîne de télévision turque NTV. En France, son avocat avait dit qu'il le ferait. Ça se confirme. Le principal condamné dans la rixe de Cisco au mois d'août a fait appel du jugement rendu la semaine dernière. 2 ans de prison ferme pour violence en réunion avec armes. Il sera donc rejugé seul. Les autres condamnés, ses frères et des villageois de Cisco, ont eux décidé de ne pas faire appel. L'animateur Jean-Marc Morandini a été placé en garde à vue ce matin par la Brigade de protection des mineurs dans le cadre d'une enquête pour corruption de mineurs. Jean-Marc Morandini fait l'objet de plusieurs plaintes. On peut voir ces fondations juste à côté de l'autoroute, les fondations du mur autour de la zone portuaire de Calais, 1 km de long, 4 mètres de haut. Ce mur sera censé protéger les camions en direction de l'Angleterre de l'intrusion des migrants. Pour la maire Les Républicains de Calais, Nathalie Bouchard, Natacha Bouchard, ce mur n'a plus lieu d'être depuis l'annonce du démantèlement de la jungle, d'autant qu'il ne réglera pas le problème. C'est ce que dit encore Jean-Claude Lenoir, l'un des fondateurs de Salam, une association d'aide aux migrants. Il faut avant tout convaincre, selon lui, les maires à accueillir les migrants. Bien évidemment, la solidarité n'est pas un vain mot. 10, 12 000 personnes pour 66 millions d'habitants. C'est une honte. C'est un scandale que les gens osent parler ainsi. Et il faut que dès demain, nos politiques de droite et de gauche, les vrais citoyens, aient un discours pédagogique sur la nécessité d'aller vers la paix dans le monde. Et la paix dans le monde, elle est à ce prix, dans une période transitoire, pour accueillir les gens à travers l'Europe, et à commencer par la France. 10 000 personnes pour 66 millions d'habitants. Des propos recueillis par Fabienne Sintès et actuellement Nicolas Sarkozy se trouve à Calais. On connaît leur nombre, 8, et leur nom aussi, dont Nicolas Sarkozy. On attend juste la confirmation pour la primaire des Républicains. C'est aujourd'hui que la Haute Autorité publie la liste définitive des candidats. On sait aussi que 3 débats télévisés auront lieu avant le premier tour le 20 novembre. Le premier des débats aura lieu le 13 octobre prochain. Et un concurrent de moins peut-être pour Paris 2024. En tout cas, ça se confirme selon un responsable de la mairie de Rome. La nouvelle maire, Virginia Raggi, va retirer le soutien de la municipalité à la candidature de Rome pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. La capitale italienne est trop endettée pour se lancer dans l'aventure, selon elle. Virginia Raggi devrait tenir une conférence de presse dans l'après-midi. Un retrait du soutien de la mairie de Rome revient à enterrer le projet, a fait savoir pour sa part le président du comité olympique italien. Ainsi vont les prévisions de l'OCDE. L'Organisation de coopération pour le développement économique abaisse aujourd'hui ses prévisions de croissance pour 2016, pour la France, mais aussi pour le Royaume-Uni. Elle les relève en revanche pour l'Allemagne. Le bio, eh bien ça marche. Le marché des produits agricoles bio a connu une croissance de 20% sur les 6 premiers mois 2016, plus 20% par rapport à la même période l'an dernier, selon l'agence Bio. Le marché devrait approcher les 7 milliards d'euros de gains cette année, preuve que c'est un secteur qui marche bien. Plus de 21 nouvelles fermes bio se sont installées chaque jour entre janvier et juin en France. On compte désormais plus de 31 000 producteurs français engagés dans le bio. Vous écoutez France Inter, c'est Bio, 12h05. Du lundi au jeudi soir sur France Inter. Le nouveau rendez-vous, c'est l'émission énervée du soir. Laurent Goumard. 2 heures tendues sur le fil de l'actualité culturelle et ce mercredi, une émission culottée avec Pénélope Bagieux pour de nouvelles aventures en BD et Cocoon, le retour avec un album de folk à la française. Et puis en deuxième partie, on parlera nouvelle spiritualité. Faut-il en avoir peur? Le nouveau rendez-vous, ce soir sur France Inter, à partir de 22h. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Faust, mise en scène par Robert Wilson, interprété par le Berliner Ensemble du 23 au 29 septembre au Théâtre du Châtelet avec le Théâtre de la Ville. Robert Wilson fait de Faust, le chef-d'œuvre de Goethe, un véritable opéra pop. Le pacte avec le diable se transforme en plaisanterie satirique et ironique. Un spectacle foisonnant, riche en artifices lumineux et sonores. Retrouvez Faust dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. À 13h, Bruno Duvic pour le journal, mais pour l'instant, la suite de la bande originale avec Daniel Leïla, Morin, Leïla. Bonjour, Leïla. Bonjour, Laetitia. Ça va? Salut, coucou. Elle revient tout après-midi, Laetitia. Elle revient tout après-midi. Ah ouais. Ta gosse. À tout à l'heure pour les infos, Laetitia Gagné. Merci. À tout à l'heure. C'est la bande originale avec Leïla Kadour-Boudali, Sam Villa, Pierre-Emmanuel Barré, Daniel Morin, bonjour. Richard Lornac et nos invités Barbara Schulz-Pascal. Ils sont à l'affiche de L'éveil du chameau, c'est au Théâtre de l'Atelier à partir du 4 octobre à 19h. Une pièce qui évidemment part d'un moment, on va dire, angoissant, dramatique, anxiogène pour une maman qui se dit « ma fille va avoir un enfant ». Le papa, celui ou l'homme en tout cas qui lui a fait un enfant, ne veut pas être papa ou n'assume pas sa paternité. Plutôt que d'aller voir ce fils en disant « vous avez fait un enfant à ma fille, il va falloir que vous assumiez », vous allez voir son père pour dire, vous allez être grand-père, il faudrait maintenant que vous parliez à votre fils et qu'il assume, que vous l'éduquiez en fait. Oui, parce que je pense que tout le problème vient de là en fait. Si c'est, ce jeune homme n'assume pas sa paternité, c'est parce qu'il a un problème lui-même avec son père et comme j'aime bien résoudre les problèmes, je vais voir cet homme-là. Voilà. Et cet homme-là qui est assez particulier, Pascal Elbé, parce qu'à la fois, il communique sur la générosité, le partage, l'humanisme, et de l'autre, dans sa vie, c'est plutôt l'onanisme. Il y a un peu de ça. Autant que faire, je peux. Non, les femmes, beaucoup de femmes. Il est dans son paradoxe. Et d'ailleurs, il y a un effet comique dans sa manière de rédiger des mails ou d'expliquer à quel point il est important de respecter autrui. Ouais, bah souvent, comme les hommes, on fait des discours. Les paradoxes. Ouais, le paradoxe, c'est vrai qu'on... La mauvaise foi, non ? Comment ? Je l'ai dit à haute voix. Non, ça c'est pas, non, ça c'est pas entendu. Il y a aussi des effets, j'imagine, dans la mise en scène, un enchaînement notamment de messages que vous laissez au téléphone, extrêmement drôle dans la montée, dans la montée en puissance. Oui, parce que au début, je veux essayer de la recontacter parce que j'ai pris conscience un peu des choses et je me dis c'est peut-être pas plus mal quand même de qu'elle m'aide pendant cette quête-là de renouer avec mon fils. Et au début, c'est Marie, s'il vous plaît, ben voilà, j'aurais aimé vous parler, rappelez-moi. Et puis, c'est pas parce que t'as envie de m'attraper une deuxième fois. Peut-être. Ah, j'ai pas compris. Mais pourquoi vous avez dit qu'il y avait une première fois ? Faut pas tout dévoiler non plus. Attraper par la main. Oui. Mais ça dépendra des soirs. Moi, c'est ce que j'avais compris. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur pour vous, là, à une semaine, 10 jours de la première ? Est-ce que c'est apprendre le texte ? Est-ce que c'est les déplacements ? Est-ce que c'est au couteau ? Parce que comme des comédies, il faut coller à la réplique de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile pour vous ? C'est peut-être pas la même chose, d'ailleurs, pour vous, Barbara. Bon, alors le texte là, bon, on a encore quelques... Non, mais le texte, il est bien, il est là. Ouais. Non, c'est qu'en fait, on a eu le décor hier pour la première fois. Ça change tout ? Bah oui, parce que vous répétez pendant 3 semaines dans une salle avec des scotchs sur le sol. Alors, donc ça, c'est le frigo, ça, c'est la pizza, ça, c'est les liens. Et puis tout d'un coup, on a un frigo, on a un canapé, et plein de trucs qu'on croyait bien ne marchent plus du tout. Donc il faut... Changer la mise en scène ? Pas changer, mais en tout cas, adapter... D'accord. Voilà, adapter. En tout cas, je vais vous dire... Parce qu'hier, il disparaissait derrière son bureau, par exemple. On s'est rendu compte que quand il était à son bureau, on ne voyait que ses pieds. Donc on a dû... On voulait voir jusqu'au cinquième rang. Du 45-46, ça dépend des détails. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous, Pascal ? Revenir au théâtre, c'est très impressionnant. J'ai beaucoup de chance parce que je suis avec une partenaire. Voilà, je vais faire une déclaration d'amour professionnel. Non, c'est un délice de jouer avec Barbara parce qu'elle est très à l'écoute. Elle est vive, elle est pétillante. Et jouer avec elle, voilà, c'est un... Elle est bonne camarade. C'est une bonne camarade et c'est un vrai ping-pong. Donc, j'ai pour ce petit retour au théâtre, je suis quand même béni des dieux. Alors, je vais lui faire une déclaration d'amour aussi. Mais des partenaires comme toi, sans rien, qui joue pas perso, parce qu'il y en a un des types... On a les noms. Mais qui ne joue pas avec l'autre, quoi. Vous n'avez pas l'œil, vous n'avez pas... Et Pascal, ce qui est génial avec lui, bon, d'abord, on rit beaucoup. C'est clair. Voilà, on rit beaucoup. On a senti, ouais. On s'entend très bien. Et c'est vrai qu'il bouge une oreille, je bouge une oreille moi aussi. C'est-à-dire qu'on a une connexion ensemble. S'il fait la scène d'une certaine façon, je suis obligée de la faire d'une certaine façon. On a hâte de voir ça, en tout cas. L'éveil du chameau, Barbara Schuss, Pascal Elbé, ça sera à partir du 4 octobre au Théâtre de l'Atelier. Je rappelle, ce soir, sur France 2, une programmation spéciale dans le cadre de la journée mondiale de l'Alzheimer, puisqu'il y a déjà Frédéric Lopez qui présentera à 14h 1001 vies consacrée à un nouveau regard sur Alzheimer. J'espère qu'il pensera à venir. Et puis, à 20h55, il y a La vie à l'envers, donc cette fiction où vous jouez Barbara Schulz aux côtés de Marthe Keller, Isabelle Carré, Pascal Arbichaud, Guillaume de Tonquédec et Julien Boisselier. Et c'est un très bon film parce que il parle de la maladie, mais d'abord il y a beaucoup d'humour là-dedans. Et Anne Jaffery est celle qui avait créé Fais pas ci, fais pas ça. Voilà. Et donc on a... C'est une comédie dramatique, familiale. La toile de fond est dramatique, mais le fait que, et ça met bien, ça surligne le fait que ce genre de maladie, quand ça arrive dans une famille, ça fait aussi exploser tous les rapports et chacun reconsidère sa place dans la famille, mais aussi sa place dans la vie et son comportement. Et c'est extraordinairement bien interprété, le casting est à tomber, c'est ce soir sur France 2. Voici l'humeur de Daniel Morin. Aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Bah oui. Alors à tous ceux qui souffrent de cette maladie, je voulais dire bon courage, on est avec vous. Mais bon, il n'y a pas que de la tristesse, non. Aujourd'hui est un jour de fête à Radio France, un jour presque aussi célébré ici que l'arrivée du Beaujolais nouveau. Et ce, pour deux raisons. La première, aujourd'hui, c'est la Saint-Mathieu. Mathieu, prénom du président de Radio France. Aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Alors à tous ceux qui souffrent de cette maladie, je voulais dire... Bon courage. On est avec vous. Aujourd'hui, c'est la Saint-Mathieu. Bonne fête au président de Radio France, Mathieu Gallet, le président le plus beau du monde, mais qui a su rester humble. Le matin, quand il arrive, il a toujours un geste gentil pour le personnel qui le salue en se prosternant sur le passage de sa chaise à porteur. Au départ, Mathieu a essayé de mettre l'ensemble du personnel de Radio France au travail. Rapidement, il a changé de projet. Aujourd'hui, il est parfaitement intégré. Il a compris comment marchait la maison de la radio. Du coup, il arrive dans son bureau le lundi vers midi. Aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Alors, à tous ceux qui souffrent de cette maladie, je voulais dire bon courage. On est avec vous. Je disais donc, Mathieu, le président de Radio France, dont c'est la fête aujourd'hui, arrive le lundi vers midi, après avoir lu quelques mails hyper importants auxquels sa secrétaire répond. Il part déjeuner jusqu'à 16h, puis il revient au bureau, passe un coup de fil au ministère de la Culture, après avoir raconté une blague de Toto à la ministre. Sa journée est finie, il peut enfin partir en week-end. Bonne fête, président, et merci d'avoir décrété que le jour de votre fête, nous étions payés double. La grande question est maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ces 20 euros supplémentaires auxquels je ne m'attendais franchement pas. Aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Alors, à tous ceux qui souffrent de cette maladie, je voulais dire bon courage. On est avec vous. Seconde raison pour expliquer la liesse qui euphorise la maison de la radio aujourd'hui, c'est la fête nationale arménienne. Du coup, André Manoukian... André est intenable, il est arrivé ce matin, vous l'entendez, avec des amis. Arrivé en costume traditionnel de son pays d'origine et de misère. Short en chèvre, gilet en mouton, sandales en cuir de mouflon. Il se promène dans les couloirs en tapant sur un tambourin, en chantant du Aznavour. Je ne vous cache pas que quand on n'est pas au courant, ça surprend. Ce matin, un vigile a appelé en catastrophe les urgences vétérinaires, croyant que Dédé était une bête échappée d'un cirque. À midi, Dédé nous prépare une surprise, un dessert local typique de son pays de désolation, de la glace à la biquette. En tout cas, ça a mis une super ambiance dans la radio. Aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Alors, à tous ceux qui souffrent de cette maladie, je voulais dire bon courage. On est avec vous. Enfin bon, toute cette joie, toute cette allégresse ne gomme pas la tristesse qui nous étreint. Elle nous étreint depuis hier. Hier, quand nous apprîmes que Brad Pitt et Angelina Jolie allaient divorcer. Mais ouais, c'est dingue ça. Quel choc. Bah ouais. Ouais, c'est dingue, tout le monde divorce, pourquoi ça serait plus dingue pour eux? Mais parce qu'ils incarnaient un truc dingue. Oh, mais tais-toi, Becca. C'est sympa pour Barbara. Quel choc. Ah, c'était pour moi, Becca. Non, c'est moi, Becca. Non, je le connais, c'est à moi qui parle. Tout le monde est sous le choc, même toi, Emmanuel Barré. Putain, je suis sous le choc, putain, Daniel. Pierre-Emmanuel, un garçon hypersensible qui vit très mal cette séparation et qui l'exprime avec ses mots, lui. Alors, ce divorce, est-ce sa faute à elle? Salope. Est-ce sa faute à lui? Connard. Est-ce la faute du monde qui nous entoure? Monde de merde. Est-ce l'ambiance euphorique et érotique du métier d'artiste qui a eu raison de leur couple? Artiste de merde! Est-ce que la pression d'avoir autant d'enfants est à l'origine de cette rupture? Connard de gosse! Est-ce que la perspective d'un Donald Trump président leur a fait peur? Trump, gros bâtard! Est-ce que la pneumonie d'Hillary Clinton les a inquiétés? Monica Lewinsky, c'était bien fait pour sa gueule! Je ne sais pas. En tout cas, c'est la fin d'un roman d'amour qui a duré 12 ans. L'amour, c'est de la merde! Merci Pierre-Emmanuel. Aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Alors, tous ceux qui souffrent de cette maladie, je voulais dire bon courage. On est avec vous. Un mot sur la maladie d'Alzheimer, Pierre-Emmanuel? Oui. Merci, bonne journée. La bande originale. Tout était écrit pour Daniel Morin, tout était un documentaire évidemment pour Pierre-Emmanuel Barré, comme vous l'aurez compris. Vous avez tourné évidemment ce téléfilm qui passe ce soir, heureusement que vous l'avez tourné d'ailleurs, sinon oui, ça passe ce soir. Sinon on ne retient pas là. Barbara Schultz. Mais vous avez également tourné Nadia, un téléfilm de Léa Fazer qui sera diffusé, vous savez quand d'ailleurs? Non, tout ça c'est toujours très secret défense. C'est secret défense. Et quel est votre rôle dans Nadia? Alors là, j'aborde un autre thème qui est le surendettement. C'est que j'ai réalisé cette année, j'ai fait un téléfilm sur l'Alzheimer, le surendettement et l'homosexualité chez les jeunes. Et trois super téléfilms, je précise. Très bien. Mais Nadia, oui, ça parle d'une mère dont voilà, le fils est brillant et va à Henri IV et elle prend ça comme prétexte pour commencer à dépenser parce qu'elle arrive à Paris. Voilà. Et Babyphone, c'est un... Un film de cinéma qui sortira au printemps l'année prochaine. Avec... Le 8 mars, la date est déjà... Le 8 mars, oui. Voilà. 8 mars 2017, c'est Olivier Casas avec Pascal Delaumont et... De Melon. C'est bon, Pascal ça. Le Mormon, ça. Et Mehdi Sadoun. Oui, Mehdi Sadoun, Anne-Marie Vin aussi. Voilà. Très bien. Quant à vous, Pascal, est-ce que vous êtes toujours dans l'écriture? Vous avez les longs métrages sont dans un tiroir ou qu'est-ce qui se passe? Bah là, j'écris mon. Bah, quand je vais finir cette pièce là, qui commence à me prendre la tête. La bonne promo. Cette pièce commence le 4 octobre et est-ce qu'elle s'arrête en décembre? Le 31 décembre. Oui, on s'arrête. Ouais. Si tout se passe bien, j'espère pas prolongé non plus. Ce que je ne comprends pas. Et le 28 décembre, vous êtes à l'affiche du Cœur en braille. Oui. Ah oui, un très joli film, le troisième film de mon camarade Michel Bougenard, avec deux enfants, et ça parle aussi, ça parle d'une jeune fille qui a beaucoup de talent, qui joue du violoncelle, et qui atteint une cécité progressive. Donc, c'est la suite de la famille Bélier? Non, pas du tout. Bah, quasiment, sauf qu'elle s'exprime en tchèque. Ouais. Voilà, c'est un film très joli, avec Charles Berling et moi-même qui faisons les deux parents, et ça va sortir, donc vous dites Nagui, le 28 décembre. Le 28 décembre. Et vous êtes en train de tourner un film de Lorraine Lévy, un remake entre guillemets de Knock, c'est la pièce de Jourdain. C'est l'adaptation très libre, enfin c'est quand même la bonne adaptation, mais ils ont pris quelques libertés de Knock avec dans le rôle de Knock Omar Sy. Ça vous gratouille ou ça vous chatouille? Exactement. Alex Lutz. Ouais, il y a toute une distribution. Anna Girardot et Pascal Elbé. Ouais, il y en a plein, il y a Sabine Azéma, Michel Villermoz, Christian Hex, des gens du français. Et vous savez déjà quel est le sujet de votre prochain film? Oui. Ce sera sur un handicap. Alors, ce sera pas loin de rebelote avec la famille Bélier. Mais c'est sur un handicap qui est un handicap qui touche beaucoup de gens en France. Mais je peux pas encore en parler. Et c'est un handicap dont je suis moi-même atteint. Voilà. Eh oui. D'accord. Le bronzage. J'avais l'impression de te connaître. Ouais, la bougocitude. Non, vous allez voir. C'est, ok, d'accord. Ça s'appelle 55 cm. Voici le bouillon de culture de Léa. C'est bien lancé pour toi, Léa. Ah merde. Bon, Pascal Elbé, enchaîne, je sors de la promo, un petit bol d'air, c'est le bouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Maintenant qu'on sait pour 55 cm, peut-être que j'aurai des questions que pour Barbara en fait. On commence avec vous, Barbara, avec ce son. Est-ce à moi que tu pensais? Alors écoute ma chanson des 99 ballons. C'est Néna qu'on a lâché. Oui, bah oui. Mais quel mood Fritz? C'est votre reprise, absolument. Ouais, génial. De Néna sur l'album Décalage immédiat d'Helmut Fritz. On y revient, c'est tout. Mais sur cette chanson que j'avais remarqué arriver sur Paris. Est-ce qu'il y aurait une suite, Barbara, des envies de chansons, des collaborations à venir, des collaborations, envies Alors j'ai un groupe, on a fait un concert pour la fête de la musique dans un restaurant à c'est Paris. C'est pas vrai, ouais. Je savais pas. Et c'était, on a mis le feu. C'est voilà. Quoi le groupe, c'est quoi son nom? Il n'a pas de nom. Ah. Tu joues dans un groupe? Oui, mais on a juste joué une fois pour la fête de la musique. C'était un peu ambiance les Commitments, mais c'était génial. Wow, d'accord. Et je vais chanter, voilà. Et c'est, on ce est sont plusieurs que chanteurs. Que des reprises ou Oui, on a fait que des reprises, ouais, voilà. Et Helmut, non, c'était marrant. Une fois, je l'avais croisé en scooter, voilà, et je l'avais reconnu. Et c'était à l'époque où je ne sais plus quel tube. Ça m'énerve. Voilà, je lui avais fait un signe. Je lui avais dit, j'adore ce que vous faites, c'est super. Et 6 ans après, il y a Sony qui m'a appelé, qui m'a dit, vous voulez faire. Il voudrait que vous fassiez une reprise avec lui. Non, une non, si je trouve Badol, ouais. Qui devient 99 ballons. Voilà. Rouge. Non, non, non. C'était très amusant. À votre tour, Pascal, avec un son. Il me regarde. Et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre qu'il te regarde? Tout le monde te regarde. D'habitude, il aime bien ça, hein. Mais il me regarde dans les yeux. Mais où tu veux qu'il te regarde? Monsieur, sois gentil, va, ne le regardez pas. Ça va, bon, je veux bien qu'il me regarde, d'accord. Mais qu'il me regarde globalement. Voilà, globalement. Sinon, il va me faire une nervouse breakdown. C'est un extrait du film Je suis timide mais je me soigne avec Pierre Richard, Aldo Macchione, et c'est la scène de la pétanque où Robert Cassel ne supporte pas d'être regardé par Pierre Richard. Ouais. C'est un film, c'est une nostalgie pour vous. C'est nostalgie, mais c'est une scène culte, parce qu'il faut moi je peux la revoir, je l'ai vu peut-être 200 fois, et c'est vrai que quand on voit Pierre Richard qui se met comme ça dans le champ de vision de Robert Cassel, et Robert Cassel qui n'arrive pas à lancer sa boule, ça tout doucement, rit nerveusement, et à la fin, c'est pour moi, c'est une scène d'anthologie dans la comédie. C'était quand même entre Castel et Pierre Richard, et c'était très fort. Il faut dire que Pascal Hébé sait de quoi il parle, parce que s'il y a bien une chose qu'il n'aime pas dans la vie, c'est qu'on le regarde quand il est en train de jouer aux boules et de tirer. Alors, c'est vrai que j'ai un grand défaut. Bon, j'aime beaucoup la pétanque comme Nagui, sauf qu'à la différence de Nagui, moi, je ne sais pas tirer. C'est vrai, Nagui. Hein, c'est d'ailleurs le sujet de ton prochain film. Qui s'appellera Je ne sais pas tirer. Sous-titre 55 cm. Le pointeur. Le pointeur. Mais c'est vrai que pour jouer bien la pétanque, il faut savoir pointer et tirer. Et moi, je ne sais que pointer. Voilà. Eh bien, un autre son pour vous, Barbara, sur ce. Vous n'avez pas la carte du cinéma français. J'ai pas la carte du tout. Oui, mais je ne l'ai jamais eue et je me suis toujours fait descendre par toutes les critiques dès qu'un film est sorti. C'est Jean-Jacques Benex à notre micro, ici dans la bande originale. Jean-Jacques Benex que vous aviez rencontré pour un film et qui vous avait dit « Vous m'avez l'air d'être une fille extrêmement saine ». Ça m'avait super énervée. Ouais, ça veut dire que enfin, c'est pas énervée parce que je suis très très saine, mais c'est parce que j'allais pour un rôle d'une fille pas saine et il voulait voir entrer une fille malsaine dans son bureau. Et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que je suis actrice, quoi ?» Et je m'étais un peu fâchée. Et voilà. Et en fait, il est revenu me voir quand je jouais King Kong Theory. 15 ans après, je l'ai vu au premier rang. Je me suis dit « Tiens, te voilà, toi. Et il m'a envoyé des fleurs avec un mot en mettant King Kong est à vos pieds. Et il s'est excusé, il m'a dit voilà. C'était classe. Ouais, c'était classe, ouais. Et vous étiez très bien dans cette pièce de Virginie Despentes. Mais oui, vous étiez vraiment pas saine texte, ouais. On va le dire comme ça. Mais je jouais. Et voilà, j'étais saine, mais ça ne se voyait pas. Voilà. En tout cas, c'est résolu avec Jean-Jacques Benex. Oui. Un dernier son pour vous, Pascal. Ce que j'aime bien surtout, c'est les entrées en matière de ces films hard. Où elle est dans la cuisine et puis ça sonne, elle voilà, le reçoit, elle est encore avec les talons hauts. Mais c'est toute cette espèce de cérémonial qui est toujours très inventif. C'est une interview de vous dans le journal du Hard. Ça parle de ce quoi je pense. C'est le journal du Hard de Canal. On n'est pas si loin de votre personnage dans la pièce d'ailleurs. T'as fait le journal du Hard, toi ? Oui, je ne le savais pas. Ah oui, pour la promo de mon prochain film. C'est la moindre des choses. Est-ce que vous êtes à l'aise avec votre corps et la nudité dans le cinéma ou au théâtre ? Non. Au cinéma, c'est une catastrophe. Dès qu'il y a une scène de nu où il faut montrer son boule, machin, je préfère éviter par respect pour les téléspectateurs. Mais c'est vrai que c'est toujours. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui sont très libres avec leur corps et qui peuvent se balader comme ça, la saucisse à l'air, en disant un texte, Shakespeare même, et moi je serais incapable. C'est compliqué la nudité, hein. Il faut être quand même très impudique. C'est par pudeur ou par peur de casser quelque chose du coup ? Bah, les deux. Les deux, parce que. C'est très fragile, vous savez, il y a un moment donné, il y a certaines pièces, et ben, il faut les préserver. Quels sont vos rapports à la nudité ? Parce que il est quand même beaucoup plus fréquent qu'on demande à une comédienne, même sans blague. Et c'est souvent gratuit de sortir de la douche et d'être nu, parce que c'est comme ça, et ça ne sert à rien dans le film, mais il faut le voir. Comment dire ? C'est plus facile au théâtre qu'au cinéma. C'est plus facile de se nier devant des inconnus, des regards inconnus, que devant les gens avec qui on a partagé un couscous merguez à midi à la cantine. C'est plus facile d'être au théâtre nu qu'au cinéma. Bah oui, c'est parce que vous êtes d'abord dans l'histoire, personne, il n'y a pas d'interruption, et puis vous êtes dans votre trip, quoi, et vous jouez un personnage qui à un moment est nu, bah il est nu. J'avais fait ça dans Dommage qu'elle soit une putain à Chaillot avec Savary, et là j'étais d'accord. T'étais nu. Ouais, entièrement. T'étais nu. J'étais nu. Sur scène. Sur scène et même sur la fiche qui m'avait foutu à poil. Mais ça c'était Savary aussi. Mais au cinéma c'est plus difficile, je trouve, plus difficile parce que on est avec une équipe, c'est des camarades, on rigole, on plaisante, et tout d'un coup on se fout à poil. quoi. Ouais, c'est d'accord. Pas... Et je finis avec un petit conseil culture. Ah bah oui, je sais, c'est long. Comme vous êtes, Pascal Elbé, super fan de Marvel Comics, de super-héros, sachez que la Century Fox va faire un film sur Stan Lee, qui est le créateur. Il a 93 ans, il est le créateur de Spider-Man, de Hulk, les X-Men, Thor, Iron Merci. Man ou Captain Américain. Et puis pas jaloux pour Barbara. C'est le dernier bouquin de Joan Sfar. Comment tu parles meilleur. De ton père chez Albin Michel, comme il est question de paternité dans ce film. C'est pour moi ? C'est pour oui. vous et j'en ai un également pour vous, Pascal, pour pas faire de jaloux. En plus, papa est né l'année où tonton Adolphe est devenu chancelier en 33. Je me suis dit que voilà, ça commence Pascal, comme ça sur Joan Sfar. Voilà, Albin Michel. Des excuses à présenter, Daniel Morin. Désolé pour Pascal Elbé qui, ce matin, apparemment, a découvert la pièce. Il a découvert également sa partenaire. Barbara Schulz, elle s'appelle. Bon courage, Pascal. Désolé pour Robert Ménard et tous les anciens nazis qui ont été honteusement attaqués sur cette antenne. Non, je rigole, vous avez bien vu, ce programme était pour vous. Désolé pour Brigitte Macron, Michel Alliot, Marie, Leïla Kadour, Boudadi et toutes les vieilles frigides, comme les appellent. En même temps, la vie, ça a son charme. Demain, nous recevrons Daniel Herrero, Daniel Picouli avec De Palmas en live. C'est la langue française et les mots de la langue française qui seront mis à l'honneur. Merci Barbara Schulz, merci Pascal Elbé. Merci à vous. On a hâte en tout cas d'aller vous applaudir. Cette pièce est drôle et vous êtes d'excellents comédiens. Ça sera au Théâtre de l'Atelier à partir du 4 octobre. À 19h. Voilà. Philippe Super Bertrand. Horreur. Super horreur. Oui, bonjour Nagui. Philippe. Bonjour tout le monde. Salut. Salut. J'espère que Barbara et Pascal ont bien bossé pour jouer le chameau. Bosser le chameau, bosser le chameau. Ah ouais. Non, parce que je vous rappelle que le chameau a deux bosses, le dromadaire. Le dromadaire n'en a qu'une. C'est ça. C'est ça. Faut pas les confondre. Faut pas déconner. Non, faut pas les confondre. Voilà. Ça, c'est fait. Bon. Je suis très troublé. Oui. Pourquoi ? Merci, Philippe. À cause des 55 centimes. Non, à quoi exactement ? J'allais faire une vanne entre la bosse et ça. Tu connais l'histoire. Belle pièce, mon général. Non ? Belle pièce, mon général. Oui, c'est le général de Gaulle qui va au théâtre et puis à l'entracte, il va soulager sa vessie. Puis il y a quelqu'un qui est à côté de lui qui le regarde, qui fait belle pièce, mon général. Enfin, c'est tout. Voilà. À propos de toilettes, il n'y a pas si longtemps, j'étais. Il y a l'émission là. J'étais aussi. Non, pièce de théâtre, je vais faire pipi. Il y a un bonhomme qui se met à côté de moi au Vespasienne qui me dit : Oh là, c'est vous, je peux vous serrer la main ? Je fais : Bah là, non. On a débordé un peu au parc de toilettes. Bonne émission. Ouais, salut les amis. Salut. Radio France Faites le Sport et vous invite à la deuxième édition de Vertigo. Une grande course verticale à la Maison de la Radio. Dimanche 25 septembre, oubliez l'ascenseur et venez gravir les étages en un temps record. Un défi sportif et ludique, ouvert à tous. Vertigo. Affrontez les 70 mètres, 22 étages et 365 marches de la célèbre tour de la Maison de la Radio à Paris. Vertigo. Avec Gautier, fabricant français de mobilier contemporain, à découvrir dans nos magasins et sur gautier.fr. Vertigo. Toutes les inscriptions seront reversées à l'ONG Play International pour l'éducation et l'accompagnement par le sport. Inscrivez-vous dès maintenant sur vertigomaisondelaradio.org. vertigomaisondelaradio.org. La vraie question, c'est de poser la bonne question. À votre avis, ce qui est en train de se passer, est-ce que ça change la donne ? Pour obtenir des réponses... On est bien obligé de débattre. Quitte à répéter la question. Vous n'avez pas de doute là-dessus ? J'allais poser la question. Ben oui. Caroline Roux et Bruce Toussaint ont des questions pour leurs experts. C'est dans l'air, du lundi au samedi, en direct à 17h45, sur France 5. Radio France, partenaire de Culture au Quai, les samedis 24 et dimanche 25 septembre. Spectacles, concerts, arts de rue, rencontres, ateliers enfants. Deux jours de fête sur le Quai de Loire, Paris 19e, Métro Jaurès. Découvrez les offres de plus de 200 lieux culturels. Et rendez-vous sur le stand de la Maison de la Radio pour découvrir tous nos concerts, ateliers, visites et émissions en public pour cette nouvelle saison. Des offres spéciales vous y attendent. Entrée gratuite. Toutes les infos sur maisondelaradio.fr. France Inter, c'est l'heure.